Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'une des mystifications de l'histoire de l'art des plus incroyables, réalisée par un certain N. van Meegeren, un faussaire de génie qui a trompé les nazis, notamment. Au mois de juin 1945, la police hollandaise découvre que l'un de ses ressortissants, un peintre, jusqu'ici davantage connu pour ses frasques, sa débauche que pour ses toiles, aurait vendu un tableau de maître à un haut représentant du Troisième Reich. Aux Pays-Bas, l'affaire fait grand bruit et le vent du scandale s'étend sur toute l'Europe lorsqu'on apprend que le peintre en question n'est pas qu'un escroc, c'est aussi un génie. Les peintures réalisées par ce Van Meegeren ne sont pas de simples copies, loin de là. À chaque fois, ce sont des créations originales avec des traits, une composition et des couleurs identiques à celles du grand Vermeer, confondantes même. Peintre le jour, faussaire la nuit, voici l'histoire d'un homme torturé par des ambitions refoulées et une vanité blessée. Un peintre qui s'est tellement pris pour Vermeer qu'il est devenu Vermeer. Assez en tout cas pour duper les meilleurs experts de son temps ainsi que les nazis, pilleurs notoires des œuvres d'art dans les pays conquis. Notre invité aujourd'hui, Patrick Penaud, journaliste et producteur de l'émission Rendez-vous avec X, que les auditeurs de France Inter ont bien connu. Il est l'auteur d'un documentaire et d'un livre sur le sujet, intitulé « Le génie du faux, la passion Vermeer », diffusé sur Arte. L'ouvrage, lui, est paru en 2017 aux éditions Hugo Doc. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Préparé aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Au début de l'été 45, un an après le débarquement des forces alliées sur les côtes de Normandie, l'Europe est libérée. Quelques semaines plus tôt, Hitler s'est suicidé dans son bunker de Berlin. Dans la foulée, une partie des dirigeants du Troisième Reich est arrêtée et emprisonnée. D'autres se rendent et tentent de négocier. Un grand nombre, enfin, prend la fuite pour le continent sud-américain. L'Allemagne capitule. Sur le papier, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Mais dans les campagnes de France, de Belgique et de Hollande, anciens territoires occupés par l'armée allemande, maisons en ruine et villages en deuil témoignent d'un passé douloureux et récent. La guerre est dans toutes les conversations, le traumatisme est encore là. Partout sur le continent, l'heure est à la reconstruction, mais aussi à la récupération. Pendant près d'une décennie, outre leurs crimes de guerre et leurs crimes contre l'humanité, les nazis qui ont mené une guerre mafieuse ont pillé une très grande partie des collections d'art en Europe. Un hold-up monumental au bénéfice d'une poignée de malfaiteurs, criminels et voleurs en uniforme vert de gris. Mais depuis le débarquement de juin 44, dans l'ombre des soldats alliés qui se battent au front, des unités spéciales de l'armée américaine, les Monuments Men, enquêtent pour mettre la main sur plus de 3 millions d'œuvres dérobées. Il s'agit de les restituer à leurs propriétaires. Un travail de fourmi couronné de succès lorsque ces hommes découvrent, dans un village du centre de l'Autriche, une mine dans laquelle les nazis avaient dissimulé une grande partie de leur butin. Aujourd'hui, nous avons récupéré une partie des biens que nous avaient volés les Allemands. Trésors monnayés, trésors métalliques, trésors d'art, arrachés aux collections françaises. Combien déjà avons-nous retrouvé de toutes ces choses qui constituent le patrimoine national et qui avaient émigré dans les souterrains et les mines de sel d'Allemagne? Sur les images filmées par le caméraman des activités françaises, on aperçoit l'entrée de la mine d'Altaus. Des soldats américains y entrent et en ressortent, portant des caisses plus ou moins longues, plus ou moins lourdes. À quelques mètres de là, d'autres militaires chargent ces objets à l'arrière de camions de transport bâchés. Au total, ce sont un peu plus de 20 000 œuvres d'art en tout genre qui sont extraites de ce labyrinthe souterrain. Au même moment, à une centaine de kilomètres de là, à Berchtesgaden, sur la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, là où Hitler, dans son Berghof, passait le plus clair de son temps, une autre équipe des Monuments Men est à pied d'œuvre. Armés de lampes à pétrole, les hommes du lieutenant Harry Anderson fouillent les couloirs du bunker où l'un des plus hauts représentants du Troisième Reich, Hermann Göring, jamais loin d'Hitler, avait rapatrié les plus belles pièces de sa collection volées. Commandant en chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, toxicomane et paranoïaque, Göring était un redoutable prédateur. Anderson et ses adjoints découvrent ainsi les œuvres que le nazi avait dérobées aux quatre coins de l'Europe. Chaque élément de cette collection unique possède son bordereau d'étiquetage, classé dans un catalogue, origine, année d'acquisition et même le nom des intermédiaires. Sur les 1377 œuvres de la collection personnelle de Göring, seule l'une d'entre elles semble avoir été achetée. Il s'agit, d'après les informations du catalogue, d'un tableau intitulé « Le Christ et la parabole de la femme adultère ». Il est signé du grand maître hollandais de la peinture classique Johannes Vermeer. Une toile qui sera par la suite récupérée presque par hasard, comme en témoigne le lieutenant Anderson. Après la fouille de son bunker de Berchtesgaden, celle des wagons de son train spécial blindé, des caves de sa résidence berlinoise, mes hommes ont fouillé les affaires personnelles de son épouse, Madame Göring. Et là, ils ont découvert, masquée derrière des valises remplies de bibelots, une longue malle fermée par un cadenas. Après en avoir réussi l'ouverture, ils ont mis la main sur une toile grossièrement enroulée. C'était « Le Christ et la parabole de la femme adultère », un tableau de Vermeer jusqu'ici inconnu qui n'était référencé sur aucun catalogue d'art et qui avait donc une valeur inestimable pour les autorités hollandaises. Grâce au bordereau, le lieutenant Anderson remonte jusqu'à l'un des intermédiaires de la transaction, un trafiquant d'art d'Amsterdam, un homme connu pour être proche des nazis. Arrêté en Espagne, il livre aux enquêteurs le nom de celui qui a vendu le tableau. Un certain Han van Meegeren. Et surtout, le trafiquant se montre bavard sur les coulisses de cette transaction. Incapable d'accumuler assez d'argent pour acquérir cette toile qu'il voulait à tout prix, Hermann Göring a marchandé. En plus d'une importante somme en liquide, il a rétrocédé 200 tableaux que les nazis avaient précédemment volés à la Hollande. Dans les semaines qui suivent, l'affaire de la découverte du tableau « Le Christ et la parabole de la femme adultère » circule dans la presse et devient aux Pays-Bas une affaire d'État. Car dans ce petit pays en quête de justice où nous réclame la tête des traîtres et des anciens collaborateurs, cette toile signée Johannes Vermeer se transforme en symbole patriotique. Celui qui a osé la vendre à un nazi pendant la guerre doit être jugé pour haute trahison. Amsterdam, soirée brumeuse du mois de juin 45, il est un peu plus de 19h. Deux hommes se présentent au 341 Kaisergracht, une villa cossue située au cœur d'un quartier huppé. Derrière les vitres du premier étage, on aperçoit une lumière. Sanglé dans son uniforme militaire, le plus grand des deux sonne. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvre sur un homme de petite taille, au visage vieilli. Un grand nez, un front dégarni, des cheveux gris coiffés en arrière, une fine moustache et surtout, l'air nerveux. « Je suis le lieutenant Joseph Piller », lance l'homme en uniforme. « Je suis juif, ancien résistant et aujourd'hui lieutenant de la Sûreté de l'État. » J'ai quelques questions à vous poser. Bon, le vieil homme fait entrer les deux policiers. À peine ont-ils franchi la porte que le lieutenant Piller et son adjoint sont ébahis par l'impressionnante collection de tableaux accrochés au mur. Difficile de leur donner une valeur, mais dans une ville comme Amsterdam, où beaucoup luttent chaque jour pour manger ou trouver un toit, l'homme qui vit ici semble être à l'abri du besoin. Monsieur, votre nom est bien Han van Meegeren ? Oui, c'est exact. Monsieur van Meegeren, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques semaines, les Monumentsmen ont retrouvé la collection d'œuvres d'art personnelles du dirigeant nazi Hermann Göring. Eh bien, figurez-vous, cher monsieur, qu'on y a découvert une toile de Vermeer. Le Christ et la parabole de la femme adultère. J'ai lu la presse, je suis au courant, mais je ne vois pas en quoi je puis être concerné. Eh bien, selon les informations que nous avons recueillies, vous auriez joué un rôle dans la négociation qui a permis aux dignitaires nazis de s'emparer de ce chef-d'œuvre, qui, je vous le rappelle, fait partie intégrante du patrimoine hollandais. Pour seule réaction, le vieil homme hausse les épaules, allume une cigarette et se retourne vers le mur pour contempler ses tableaux. Vous n'avez donc rien à dire, monsieur Van Meegeren ? Moi ? Non. Il fait trop chaud ici. Vous refusez de nous répondre ? Je n'ai rien à vous dire. Très bien. Alors je vous prie de nous suivre. Prison de Wetteringsrangs, banlieue sud d'Amsterdam. Début du mois de juillet 1945. Seul dans sa cellule, privé de visite, Anne Van Meegeren marche de long en large, sans s'arrêter. Le peintre de 56 ans connaît mieux que quiconque le fin mot de toute cette histoire. Oui, lui, Van Meegeren, a bien vendu un tableau de Vermeer aux nazis. C'était en 1943. Mais le vrai fautif, d'après lui, c'est son intermédiaire, Alois Miedel. Car c'est Miedel qui est allé appâter les Allemands, et pas n'importe lequel, Hermann Göring en personne. Alors, Van Meegeren se rassure comme il peut. La rumeur prétend que Miedel aurait disparu. Si tel est le cas, de quelle preuve disposera le lieutenant Piller pour l'accuser ? Peut-être les rumeurs comportées par quelques médisants jaloux de son train de vie fastueux, c'est maigre. Une heure plus tard, pièce nue, éclairage diffus, une table et deux chaises, Anne Van Meegeren se retrouve en salle d'interrogatoire face au lieutenant Joseph Piller. C'est le premier entretien. Le ton est sec. Deux heures durant, les questions du policier fusent, incisives, précises, déstabilisantes. Les réponses du peintre, elles, sont hésitantes, alambiquées, embarrassées. « Comment veut-vous acquitter telle fortune, monsieur Van Meegeren ?» assène le lieutenant Piller. « Vous possédez plus de 50 hôtels et immeubles en tout Amsterdam. Comment avez-vous pu vous constituer un tel patrimoine ?» Pour seul élément d'explication, Van Meegeren affirme que c'est son travail de portraitiste et la fortune de sa femme qui lui ont permis de faire de tels investissements. Le lieutenant avertit. « Monsieur Van Meegeren, vous êtes soupçonné de collaboration avec l'ennemi. » Je vous rappelle que ce crime est passible de la peine de mort. Les jours passent. À la prison d'Amsterdam, les interrogatoires se suivent et se ressemblent. Les questions se heurtent au mutisme de l'accusé. Accro à la morphine depuis des années, Van Meegeren sait que son temps est compté. Le manque d'opiacés lui donne d'affreuses douleurs qui lui nouent les muscles et surtout qui lui font perdre son calme. Malmené, épuisé par les interrogatoires, Van Meegeren se livre à d'improbables explications. Il affirme qu'il a gagné une importante somme d'argent à la loterie nationale en France. Bien sûr, il n'a gardé aucun document qui l'atteste. Ensuite, il confesse qu'il lui est arrivé d'acheter et de revendre des tableaux de grands maîtres, des Vermeer en l'occurrence, et de réaliser sur ces transactions de très grosses plus-values. Et les liasses de billets de 1000 florins retrouvés dans plusieurs cachettes à votre domicile ? Oh, cet agent-là, c'est le bénéfice des tableaux que j'ai vendus, tout simplement, et que j'ai dû cacher chez moi lorsque la guerre a commencé. Ouais, la guerre, encore et toujours. La guerre à bon dos. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre. Un homme entre et remet au lieutenant Piller un épais dossier. De longues minutes durant, le policier le lit et se met à sourire. Vous avez perdu, monsieur Van Meegeren. J'ai là la déposition d'un agent des nazis qui a trouvé refuge à Madrid. Cet homme, Alois Miedel, certifie qu'il a négocié au profit du maréchal Göring l'achat d'une toile de Vermeer qui vous appartenait. Ce témoignage vous confond définitivement. Non, lieutenant Piller, c'est vous qui avez perdu. Car le Christ et la parabole de la femme adultère n'est pas un vrai Vermeer. C'est un faux et c'est moi-même qui l'ai peint. Coup de tonnerre. D'autant que, pour appuyer ses affirmations, Van Meegeren avoue que cette toile n'est pas son premier faux Vermeer. Oh non. Il y en a eu 6 autres. Et à chaque fois, elles ont été réalisées dans le plus grand secret entre 1937 et 1943. Et Piller découvre que l'une d'elles est accrochée dans la grande salle du prestigieux musée Boijmans de Rotterdam, au milieu des autres toiles de Vermeer. Tranquille. Les propos de Van Meegeren fuient dans la presse et provoquent une onde de choc qui secoue tout le pays. Car si le peintre peut prouver qu'il a effectivement réalisé un faux, sa culpabilité change de nature. Deux criminels coupables de trahison et de collaboration avec les nazis et donc menacés de la peine capitale, Van Meegeren deviendrait un simple escroc, mais surtout, pour l'opinion publique, il passerait du statut de traître à celui qui a trompé les nazis. Nuance. Et dans le contexte de l'après-guerre, c'est une position qui ferait de lui un héros. C'était à prévoir, la justice demande alors à Van Meegeren de peindre un faux Vermeer. Ainsi donc, pendant 2 mois, dans une cellule aménagée, observée par les policiers et les gardiens, il réalise une grande toile intitulée « Jésus et les docteurs ». Il révèle alors ses techniques et ses secrets pour arriver à obtenir un rendu final qui pourrait être authentifié comme un vrai Vermeer du XVIIe siècle. Et de fait, les meilleurs experts, meilleurs spécialistes du grand maître de la peinture classique hollandaise restent bouche bée. Venus du monde entier, des centaines de journalistes se pressent devant la prison d'Amsterdam pour rencontrer ce désormais fameux Van Meegeren qui porte maintenant le surnom de « Génie du faux ». Ironie, de policiers chargés de mener une enquête pour trahison, le lieutenant Joseph Piller en est rendu à jouer les agents artistiques pour organiser les entrevues pour l'homme qu'il cherchait jusque-là à faire condamner. Ou comment passer de flic à attaché de presse. Le prestigieux magazine américain Times consacre sa une à l'affaire avec ce titre « Le faussaire qui a escroqué les nazis ». En France, les journaux L'Aurore et La Croix consacrent eux aussi plusieurs articles à cette affaire, devenue au fil des semaines un scandale dans le milieu de l'art. Dans La Croix, on peut même lire cette phrase qui en dit long sur le climat ambiant. « Si Van Meegeren n'avait arnaqué que Göring, tout le monde lui pardonnerait ce qu'il a fait ». Göring, lui, qui jouait tantôt de la peur, tantôt de la force pour assouvir sa boulimie et agrandir sa collection personnelle, lui, l'ancien as de l'aviation, l'ex-Reichsmarschall, jadis visage de l'élite de la SS, que pense-t-il d'avoir été ainsi dupé et arnaqué comme le premier des imbéciles ? Lorsque le commandant Stewart Leonard rend visite à l'ancien maréchal dans son étroite cellule de la prison de Nuremberg et qu'il lui annonce la nouvelle, on dit qu'il aurait refusé d'y croire. Pour lui, le Vermeer, celui qu'il avait acheté et qui était l'un des joyaux de sa collection, était forcément un vrai. Mais face aux preuves dont dispose Léonard, Göring doit se rendre à l'évidence. Et pour seul commentaire, il dira « Non seulement j'aurais été abusé de la pire des façons, mais désormais, pour la postérité, j'aurais la réputation d'un homme stupide et inculte. Je me rends compte qu'il existe de par le monde des hommes foncièrement mauvais. » Parole d'expert. Bien, concernant Göring, l'affaire est réglée, l'humanité en sera débarrassée quelques semaines plus tard, mais enfin, tout cela ne dit pas pourquoi Van Meegeren, qui n'était pas dans le besoin, en est arrivé à copier Vermeer. Et surtout, comment a-t-il fait pour que cette toile trompe les meilleurs experts de son temps? C'est bien là tout l'enjeu du grand procès qui doit s'ouvrir à Amsterdam à la fin de l'année 1947. Port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon, and he yells to the cook with with his arms open wide. Hey, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants all to bench, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, haunches busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance, and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the slut that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who give all their bodies to a thousand other men. Yeah, their bargain, their virtue, their goodness all gone for a few dirty coins, when he just can't go on. Close his nose to the sky, aims it up above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Là, je suis content, parce que on va parler des faussaires, mais des faussaires de génie. Vous savez, ceux qui ont essayé de donner aux autres leur propre talent. Là, il s'agit d'un homme qui avait imité, si bien imité que on l'avait pris pour Vermeer lui-même. Alors, ce qui est amusant, c'est que moi, je connais un Vermeer. Oui, vous m'avez dit. Qui est accroché quelque part. On peut dire, d'ailleurs, il était accroché à Genève, à l'hôtel de Saussure, chez Pierre Cyclounoff. Et c'est un vin de Maigrenne? Oui, c'est un vin de Maigrenne. Et alors, ce qui est amusant, c'est, surtout ce qui est amusant, c'est le prix que l'on donne de ce tableau, pour ce tableau. Les musées américains sont prêts de l'acheter. Et vous savez pour quelle somme? Ce qu'ils offrent. Mais pour le moment, ça ne marche pas. Ils en sont déjà à 600 000 dollars. Ça n'est pas si mal quand même, c'est pas mal. Pour un faux. Mais ce faux est exemplaire. Alors on peut se poser la question, celui qui a fait ce faux, ne mérite-t-il pas d'être un génie? Jeudi 30 octobre 1947, le procès de Anne van Maigrenne s'ouvre devant le tribunal d'Amsterdam. Dans les kiosques à journaux, les titres de la presse sont évocateurs. La Hollande juge aujourd'hui son nouveau Vermeer, titre un quotidien national, ou encore Van Maigrenne, l'homme qui a sauvé l'honneur des Hollandais, se retrouve face au juge. Le correspondant du journal François, Jean Laborde, raconte. Van Maigrenne arrive à pied, seul. Devant la façade du tribunal, la foule qui s'était rassemblée en nombre l'applaudit. On le salue, on lui serre la main, on lui adresse des regards bienveillants. C'est bien simple. Van Maigrenne ne donne pas l'impression d'être là comme un justiciable qu'on va condamner. Il donne plutôt l'impression d'être la victime d'une erreur judiciaire qu'on s'apprête à gracier. Dans la salle d'audience, tous les faux Vermeer réalisés par qui vous savez sont exposés, photographiés. 7 toiles au total, dont le premier et le plus célèbre, le Christ à Emmaüs, a été décroché spécialement du musée de Rotterdam. On pourrait facilement s'y méprendre et croire qu'il s'agit d'une exposition à la gloire du faussaire. Aux questions que lui pose le procureur, Van Maigrenne répond par des phrases simples. La centaine de personnes présentes dans le public applaudit chacune de ses interventions. Embarrassé par la tournure que prend ce procès, le procureur insiste sur l'enrichissement financier que peut révéler cette affaire. Comme l'expliquera a posteriori le commissaire de police Maurice Reims, parmi les 3 motivations du faussaire, il y a bien l'argent, élément central d'ailleurs. D'après vous, qu'est-ce qui a pu motiver un faussaire de ce genre? C'est uniquement l'argent ou est-ce qu'il y a une manœuvre politique? Oui, vous savez, il y a 2 choses qui motivent les faussaires. D'une part, l'humour. Je crois que la grande chose, il y a d'une part la frustration, d'autre part l'humour, et troisièmement l'argent. Frustration, très souvent, l'homme qui fait un faux tableau et qui arrive à le faire d'une telle manière, surtout dans Vent-Mégrène, où Vent-Mégrène est l'homme qui, en 1938, entre 38 et 42, a fait des faux Vermeer. Mais au lieu de prendre des Vermeer et de les recopier ou de les interpréter, il a créé un nouveau style de Vermeer. C'est-à-dire qu'il a fait des Vermeer que personne n'avait jamais vu, des Vermeer religieux. Bon. Il triomphe, c'est-à-dire qu'il arrive à vendre ses Vermeer à des prix prodigieux. Il arrive à en vendre à Göring. Il fait qu'en 1945, la reine vient inaugurer une exposition Vermeer dans laquelle il y a ses tableaux. C'est une jouissance profonde pour celui qui a fait ça. Il est frustré, on connaît son histoire. C'est un petit peintre de Harlem, en Hollande, qui n'a jamais réussi, qui fait des petits portraits mondains. Et tout d'un coup, il dupe tout le monde. Quelle frustration enlevée! Quelle jouissance prodigieuse! Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus formidable. Il est meilleur que Vermeer, il est l'égal de Vermeer. Il est même meilleur que Vermeer. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, l'humour. C'est très drôle, s'il est mêlé dans la foule, et il l'était, de voir arriver la reine de Hollande, de voir arriver les plus grands conservateurs qui suivent, et qui viennent s'incliner devant ces Vermeer, et qui hochent la tête, et qui disent, mon Dieu, comme c'est beau, comme c'est superbe, mais quelle merveille. Bon, et ensuite, finalement, la finalité, c'est toujours le pognon, pardon. Briser l'idée selon laquelle Vent-Mégrène aurait abusé ses clients pour s'enrichir, voilà bien la stratégie de la défense. L'avocat du faussaire, maître Aldring, reconnaît qu'il y a eu enrichissement, certes, plus de 5 millions de florins, soit l'équivalent, en prenant compte l'inflation, de plus de 14 millions de nos euros. Mais l'avocat rappelle que son client disposait déjà, avant de commencer à faire défaut, d'un train de vie confortable, dû notamment à sa riche épouse. Et qu'ici, il faut plutôt y voir une passion personnelle débordante pour l'œuvre jusqu'ici incomprise et incomplète de Vermeer, je reprends ces mots. C'est donc par orgueil et par vanité que Vent-Mégrène est devenu le faussaire des toiles de Vermeer. Les aimer au point de se les approprier, c'est le cas de le dire. Face à la cour, l'avocat rappelle l'avis de son client. Né en 1889 à Deventer, petit garçon rebelle, il a tenté de fuir une vie monotone grâce à son carnet de dessin. C'est au collège qu'il apprend à peindre et qu'il découvre les grands maîtres du classique. Des heures durant, il se passionne, perçant le secret de leur perspective, leur jeu de lumière et leur utilisation des pigments façonnés à la main. Vent-Mégrène rêve de les égaler. Mais comme l'explique l'écrivain Patrice Madral, le jeune homme arrive à rebours de son temps. C'était un peintre qui se situait dans une lignée extrêmement classique, c'est-à-dire qui avait appris à mélanger les couleurs lui-même comme le faisaient les peintres du passé, qui refusait d'utiliser du synthétique. C'est toutes ces choses qui l'ont peu à peu conduite d'ailleurs, qui se situait très mal dans le courant de cubisme, expressionnisme, abstraction, et qui n'est pas quand même pour autant un peintre traditionnaliste dépassé, mais qui était comme ça en porte-à-faux avec son époque. Les toiles du jeune Vent-Mégrène sont l'objet de toutes les critiques. Déçu de l'accueil qu'on lui réserve, il décide d'arrêter un temps d'exposer. Grâce au cercle social de sa seconde épouse, Vent-Mégrène rencontre des gens fortunés dont il fait le portrait, gagnant ainsi beaucoup d'argent. À l'abri du besoin, il tente alors de prendre une revanche sur la vie. Dans le plus grand secret, il se lance pendant 4 ans dans une tâche titanesque. Créer un tableau de grand maître que les historiens et les critiques d'art se battront pour admirer. Cette toile, ce sera le Christ à Emmaüs. Un tableau qui n'est pas une copie, mais une œuvre originale, et qu'il signera Vermeer. Pour arriver à un tel résultat, Vent-Mégrène s'y reprend à plusieurs fois. Lorsqu'enfin il trouve la bonne technique, il se procure une vieille toile du XVIIe siècle dont il retire la couleur. Ensuite, il broie des pigments naturels avec de l'huile de lilas et avec une résine artificielle, puis il peint et enfin, il passe le produit de son travail au four à plus de 120 degrés pour vieillir la peinture. Le résultat est une toile aux craquelures et aux couleurs identiques à celles qui étaient peintes au XVIIe siècle. Un résultat à ce point bluffant que le plus grand critique d'art de l'époque, Abraham Bredius, laisse duper. Quel moment incroyable dans une vie d'homme amoureux de l'art que celui où on se retrouve confronté à une peinture faite par un grand maître dans son état original, jamais restauré, comme si elle venait de quitter le studio de son créateur. Même sans la signature de Vermeer, même sans les détails propres à Vermeer, on comprend, au premier regard, que ce tableau est un chef-d'œuvre de Vermeer. Authentifié par Bradius, le faux réalisé par Van Meegeren est acheté à prix d'or par le prestigieux musée Boijmans de Rotterdam et la reine des Pays-Bas en personne vient le contempler. Van Meegeren voulait tromper ses pairs, il a réussi, c'est clair, mais il doit aussi reconnaître face au juge qu'il a vendu son âme d'artiste au diable et qu'il a mis le pied dans un engrenage infernal. Parce qu'il maîtrisait toute la chaîne de production, Van Meegeren explique qu'il s'est mis à créer des faux Vermeer à la chaîne. Des toiles parfois bâclées, mais qu'il signait toujours avec le V de Vermeer. « Je ne pouvais plus m'arrêter de peindre, j'étais devenu Vermeer », lance-t-il face au juge sidéré. Avec la guerre, Van Meegeren explique avoir eu besoin d'argent, mais il assure aussi que c'est son intermédiaire d'alors, Alois Biddle, qui a un jour proposé l'un de ses tableaux aux nazis, et en l'occurrence à Göring. Oui, enfin, vous avez quand même empoché plus d'un million de florins, lui lance le procureur. Comprenez, je ne pouvais pas refuser cette transaction, car on ne refuse pas une offre des nazis si on tient à la vie. En moins d'une journée, le procès Van Meegeren est bouclé. À sa sortie de la salle d'audience, il est accueilli par les vivats de la foule. Le 12 novembre 1947, dans une salle comble et sous l'œil de la presse venue du monde entier, le tribunal d'Amsterdam rend son verdict. L'atmosphère est étrange, pesante, surprenante. Tous les adversaires du peintre accusés, les experts et même le procureur rendent un vibrant hommage à la qualité de son travail et sur la manière dont il s'est joué des nazis. Assis dans le box des accusés, Van Meegeren affiche le visage et les traits d'un vieil homme résolu à accepter son sort. Ses mains tremblent et traduisent l'état avancé de la maladie qui le ronge. Pour avoir produit des faux tableaux de Vermeer et les avoir vendus comme tels, le tribunal vous condamne, monsieur Van Meegeren, à 1 an de prison pour fraude. Voilà, 1 an de prison, la peine minimale. Une sentence de circonstance, tant le peintre faussaire jouit d'une popularité hors norme dans tout le pays, et qu'en ces temps de reconstruction, condamner un héros ne sert les intérêts de personne. À l'énoncé des verdicts, la seule question de l'accusé est la suivante. Où vont-elles être emmenées, monsieur le président ? Avec un sourire narquois, le président du tribunal lui répond « Ne vous inquiétez pas, monsieur Van Meegeren. » Les toiles seront restituées au musée et à leurs propriétaires. À 57 ans, Anne Van Meegeren retourne en prison, son talent de faussaire pour tout baluchon. Mais sa santé vacillante ne lui laissera pas profiter de cette gloire éphémère. Fragilisée par des années d'excès de tabac, d'alcool, de drogue en tout genre, auquel s'ajoute un premier séjour en prison qu'il avait durablement éprouvé, le vieux peintre meurt dans les mois qui suivent sa condamnation. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le Christ Emmaüs, toile peinte par Han van Meegeren, est longtemps considéré comme le chef-d'œuvre de Vermeer, est toujours exposé dans la grande salle du musée Boijmans. Mais sur la petite étiquette située à la droite de la peinture, le nom a été changé. La toile n'est plus attribuée à Johannes Vermeer, mais bien à Han van Meegeren. Dans les livres d'histoire de l'art, son nom apparaît également, mais pas dans la catégorie des peintres, non, dans celle des faussaires de génie. Thank you. faussaire with bloom everywhere. I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Han van Meegeren, le faussaire de génie. Notre invité de génie aussi, Patrick Pelleau. Bonjour Patrick. C'est trop. Oui, mais non, c'est pas trop. Journaliste et producteur de l'émission Rendez-vous avec X, vous êtes l'auteur d'une passionnante enquête sur ce sujet, intitulée Le génie du faux, la passion Vermeer, paru en 2017 aux éditions Hugo Doc. Et alors, votre dernier livre qui parle d'autre chose, hein, La révolte des humiliés, vient de sortir aux éditions L'Archipel. On en dira un mot tout à l'heure. J'ai envie de vous dire bienvenue chez vous. On est toujours un peu chez soi à France Inter quand on en a écrit les belles pages. Combien de temps ont vécu les rendez-vous avec Monsieur X sur cette antenne? Presque un peu plus de 18 ans. Ah oui, oui, à côté Affaires Sensibles, mais un enfant de 6 ans. Bien. Patrick Pelleau. Vous me rattraperez. Vous savez que sur les réseaux sociaux, très souvent, quand on écrit à propos d'Affaires Sensibles, on cite souvent Monsieur X. Ah, puis il y a eu un rendez-vous avec Monsieur X. Voilà, on ne dit pas pourquoi, mais on sent qu'il y a un certain cousinage. Alors c'est vrai que d'habitude, votre univers, je vous pose la question justement dans le sillage de cette remarque, c'est vrai que votre univers, ou plutôt l'espionnage, les affaires d'État, les coups tordus de la CIA, du KGB, tout ça, là on est dans un autre univers. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire et dans cet univers-là? Bah, d'abord, j'aime beaucoup le fait divers, et ça c'était un fait divers exceptionnel. Et puis, je vous avoue que j'aime Vermeer. Oui, ce qui n'est pas forcément original. Voilà. Et quand, je vais tout vous dire, quand mon épouse m'a offert un énorme livre de chez Tachen sur Vermeer, je l'ai lu passionnément. Et je me suis rappelé que, quelque part dans ma bibliothèque, qui était assez vaste, j'avais lu autrefois un livre sur un certain Van Meegeren, le faussaire de Vermeer. Alors, j'ai relu ce bouquin, puis je me suis aperçu qu'il fallait faire une enquête beaucoup plus sérieuse, et c'est comme ça que j'ai fait à la fois un film avec un très bon réalisateur, Tonelli, et puis un livre donc chez Hugo. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre et pas vu le film, comment avez-vous mené votre enquête? Ah ben écoutez, j'ai essayé de ramasser le plus de documents possible, encore que il y en a par exemple sur la personnalité de Van Meegeren, il y a pas grand chose, hein. Et il n'y a pas de descendants, enfin s'il a des enfants mais qui sont pas intéressants, enfin ça n'a pas été facile, hein, la personnalité de Van Meegeren, donc il a fallu un peu imaginer, mais bon. Le sujet était tellement formidable que je crois avoir réussi. Je vous le confirme. Alors, évidemment, le fait que Van Meegeren ait traversé la guerre est évidemment un élément très important. Et c'est toujours défendu de tout lien, de toute connivence avec l'idéologie du Troisième Reich. Mais dans votre livre et dans votre documentaire, vous démontrez que cet homme n'était pas insensible aux idées. Vous savez, c'était un type assez peu scrupuleux. Hein, donc, à la preuve, mais il l'a montré à de nombreuses reprises. Par exemple, quand il était étudiant, il a reçu un prix très intéressant, enfin, avec une bourse derrière qui lui permettait de vivre bien. Et la première chose qu'il a faite après, c'est de faire une copie de son œuvre et d'essayer de la fourguer à des amateurs. Vous voyez que c'était pas un type très scrupuleux. Ouais. Mais bon, il est quand même très intéressant parce que c'est vrai que c'était un peintre un peu laborieux qui faisait vous savez, des beaux tableaux, voilà. Mais pas des chefs-d'œuvre. Mais c'était pas des chefs-d'œuvre. Il avait de l'imagination, attention, hein. Mais il faisait des beaux tableaux qu'il vendait très très cher, hein, des portraits de famille On s'arrachait à prix d'or parfois, non? Comment? Ça marchait bien, Oui, très très bien. Ça rapportait bien. Oui, ben, on mettait ça dans les salons, Il y avait tous les portraits de famille, et on lui disait, comme c'est ressemblant, c'est ce qui l'agaçait au plus haut point. Mais enfin bon, c'était pas un photographe, c'était un peintre. Et un peintre qui était vraiment persuadé de son propre talent. Et d'ailleurs, il va en faire la démonstration. Hein. Absolument. Alors, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord avec ce que disait lors du récit dans une archive le commissaire Reims, qui disait qu'il y avait trois motivations. J'ai oublié la première, mais c'est pas la plus intéressante. Il y avait trois motivations, en tout cas les deux dernières étaient intéressantes. L'argent... Et l'humour. Oui, l'humour, ça m'a pas frappé, vraiment. Mais bon, l'argent, oui, mais pas tout de suite. Parce que sa première motivation, c'est très curieux, hein, sa première motivation, en passant 4 ans à faire son premier Vermeer, ça a été d'abord de se venger des critiques. Parce qu'il a été maltraité par la critique. Hein. Il a beaucoup vendu, il a gagné beaucoup d'argent, mais... La critique ne lui a jamais rendu justice. Hein. Et donc, il voulait se venger. Et il voulait se venger surtout d'un type qui s'appelait Brédius, qui était le plus grand spécialiste de Vermeer. Ouais, voilà. Le plus grand spécialiste de Vermeer. Incontestable. Donc, il s'est dit, celui-là, je vais le piéger. Et c'est en pensant à ce Brédius qu'il va confectionner son premier faux Vermeer. Mais... ça va aller au-delà de toute satisfaction parce que il s'arrange pour que un ami, il veut pas apparaître, un ami aille chez Brédius et lui présente ce premier faux, hein, le Christ à Emmaüs. Et Brédius est ébloui, il dit c'est le plus beau des Vermeer que j'ai jamais vu, le plus beau. Et derrière il y a un stratagème de Van Meegeren qui sait que Brédius a fait une découverte assez exceptionnelle autrefois. Il a découvert un Vermeer biblique. Un tableau de la Bible dont s'est inspiré Vermeer. Le seul qu'on connaisse. Et logiquement, bon, c'est vrai que Vermeer a une vie artistique assez courte, mais logiquement, il devrait y avoir d'autres Vermeer bibliques. Et c'est ça où il est génial, c'est que en peignant le Christ à Emmaüs, il va permettre à Brédius de dire « Ben oui, j'avais raison, il y a d'autres Vermeer bibliques. » Ok, donc, on va écouter un autre avis. On a entendu le commissaire tout à l'heure, vous, et puis d'autres avis, dont celui-là, le professeur Charles Sagnier, directeur du laboratoire de l'identité judiciaire de Paris. En 1954, il revient sur cette affaire et sur l'une de ses spécificités. Il peut exister des faussaires assez habiles pour créer des œuvres d'art qui ne sont pas authentiques puisqu'ils ont voulu imiter des œuvres d'art du passé, mais qui ont une valeur artistique certaine, et je me demande jusqu'à quel point on a le droit de considérer ces œuvres d'art comme des faux. Elles se sont des faux parce qu'elles sont attribuées à des auteurs qui ont disparu, mais en tant qu'œuvres d'art, ce sont de véritables œuvres d'art. Il n'est pas sûr qu'un jour... les œuvres de Van Meegeren n'atteignent pas des prix élevés. Mais alors, il s'agit là d'un talent, d'une habileté qui confine au génie. Ce sont des faussaires de génie. Je crois qu'il faut les considérer comme des faussaires de génie. Véritablement. Mais je crois que le faux de génie est possible. Il suffit d'avoir un homme ayant suffisamment de talent ou de génie, ayant autant de talent ou de génie que celui qui a fait l'œuvre primitive. Et cela peut parfaitement se rencontrer. C'est rare, il faut le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Ben, oui, non, moi je suis d'accord. Et c'est véritablement, enfin, il faut regarder ce Christ à Emmaüs. C'est effectivement, comme l'a dit Brédius, c'est un des plus beaux Vermeer qui soit. Donc c'est vraiment très très troublant. Et si en 45, Van Meegeren n'avait pas dit c'est un faux et c'est moi qui l'ai peint. Eh ben, il serait toujours dans les cimaises, accroché aux cimaises des plus grands musées du monde. Hein. Ce serait un trésor hollandais, Et bon, alors on peut effectivement, on peut le voir. Il doit. Nous, on a pu le filmer à Rotterdam, où il sort de temps en temps. Ben oui, mais alors, il faut dire aussi que les autres Vermeer qu'il a peint, dont la femme adultère qu'il a vendu ou fait vendre directement à Göring, ben, sont plutôt bâclé, hein, à côté de cette perle qui est le Christ à Emmaüs. Ceux-là sont plutôt bâclés, et c'est là où Maurice Reims a raison, il y a l'argent derrière, parce que il a été tellement ébahi, époustouflé par son succès immédiat, puisque le tableau a été exposé tout de suite, et on l'a. Il a été produit lors du jubilé de la reine. Enfin, ça a été un succès mondain, populaire, enfin bref. Donc il a été tellement ébahi que j'ai dit... C'est bien cette vie-là, quoi. Voilà, si j'en faisais d'autres. Alors, encore faut-il savoir les faire, évidemment, oui. Et puis utiliser certaines techniques. Alors, les techniques, c'est... Dites-nous un peu. Les techniques, donc je vous rappelle, 4 ans. Pour faire le premier, 4 ans. Hein. Mm-hmm. Alors bon, entre-temps, ils faisaient des portraits mondains quand même pour gagner de l'argent. Hein. Il s'était établi sur la Côte d'Azur, chez nous. Mm-hmm. Oui. Il y avait une superbe villa. Et, ouh, et, vous savez où oui, je vais retrouver... Pas grave. Bon, mais ça vous reviendra. En Provence, sur le bord de la mer. Voilà. En Provence, sur le bord de la mer. Voilà, très bien. Bord de la mer. Oh, la Vendoue, Saint-Tropez, tout ça. Pas loin de Saint-Tropez. D'accord. Et... donc, parce qu'il trouvait le climat agréable. Et, ah bah, il y a quoi, oui. Oui, oui. Donc, il s'était établi là avec sa femme et il vivait grand train. Il picolait pas mal. Il aimait beaucoup les petites dames, sans beaucoup de vertu. Il fumait beaucoup? Oui, il fumait, il se droguait. Enfin bon, c'était pas un personnage très, très intéressant. Comment dire. Mais enfin bon, voilà, il est là et après avoir vu au cours d'un voyage à Rome un Caravage, il se dit voilà, je vais faire un Vermeer. Il en rêvait depuis toujours parce qu'il a été élevé dans le culte de Vermeer. Donc il dit je vais faire mon Vermeer. Mais il y a plusieurs obstacles techniques qui se présentent parce que d'abord il faut la toile. La toile, il faut une toile du XVIIe siècle. Ah oui. Et puis il faut une toile suffisamment craquelée pour qu'elle paraisse authentique. Alors il va trouver des procédés extraordinaires. Enfin, il va décaper des vieilles toiles, etc. Et puis il y a les ingrédients. Il faut que les ingrédients soient authentiquement du XVIIe siècle. Mm. Et ça, c'est pas facile. Par exemple, Vermeer, lui, peignait avec du lapis lazuli. Enchanté. C'est quoi? C'est une poudre bleue, et seul des... On le trouve encore chez un marchand anglais, enfin bon, bah, il va acheter ça, ça vaut très très cher. Et puis, enfin bon, il y a le blanc de céruse et tout ça, mais il faut que ça soit des ingrédients de l'époque, parce qu'il sait que son tableau pourrait être sujet à être analysé par des chimistes. Enfin bref. Donc ça, les ingrédients. Après, il y a le vieillissement de la toile. Ouais. Et c'est là qu'il va avoir cette idée géniale de faire vieillir artificiellement sa toile dans un four. Un four qu'il va confectionner lui-même, parce que il faut que tout ça reste extrêmement discret. Hein. Oui. Et alors, ça, la seule faute qu'il va commettre, oui, c'est d'utiliser... Parce que il faut quand même que la peinture soit, pour affronter la cuisson, soit suffisamment dure. Il va utiliser un matériau qui vient d'être trouvé, qui vient d'être trouvé par des chimistes, c'est la bakélite. La bakélite, oui. Mais bon, personne n'y verra que du feu. Donc, bien joué. Enfin, il a vaincu tous ces obstacles. Alors, peut-être qu'il a donné un coup de projecteur sur Vermeer, peut-être qu'il a fait grimper le prix de ses toiles. Est-ce que Vermeer n'en ressort pas gagnant d'un point de vue posthume? Ah oui, bien sûr, parce que n'importe comment, il faut savoir qu'il y a très très peu de Vermeer au monde. Hein. On a une trentaine, tout au plus. Ouais. Vermeer a très très peu peint, ou en tout cas, on n'a pas retrouvé toutes ces œuvres. Ça, c'est encore un mystère. Peut-être que dans des greniers, quelque part, il y a des Vermeer qui dorment. Hein. Donc, ça aussi, ça a été un des intérêts de Van Meegeren. C'était, il savait que les Vermeer étaient rares, donc ils étaient forcément chers. Dernière chose, par rapport à son pays, donc on le disait, il passe pour un traître, et puis après il passe pour un héros. Donc... Ah oui, il y a un sondage. Il y a un sondage qui est fait quelques semaines après ses aveux. C'est le deuxième personnage le plus populaire des Pays-Bas après la reine. Tiens donc, aujourd'hui oui. Encore. Oui. Avant Johan Cruyff. Ah ben dites donc. Bon, alors on va laisser notre ami commun Vermeer et son faussaire de côté. On va s'intéresser, il nous reste quelques minutes, à votre dernier livre, donc La révolte des oubliés. Des humiliés. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça raconte la révolution de 1848. Et si j'ai choisi ce thème, c'est parce que on a sans doute le souvenir d'avoir étudié ça en classe d'histoire, au lycée ou au collège. Mais finalement, quand on vous pose la question, et qu'est-ce que c'est la révolution? Eh ben, on ne sait plus. C'est une révolution oubliée, et c'est une révolution qui, pourtant, mérite d'être connue parce que, ne serait-ce que parce que, elle s'est terminée par un véritable massacre. Hein, ça, on ne le sait pas, mais il y a eu quand même près de 4000 Parisiens qui sont morts en 1848. Et c'est une révolution à deux étages, si j'ose dire. Et la première, c'est février 48, Lamartine, on chante, on arbore les drapeaux, on chante la Marseillaise, enfin bref, c'est la fraternité entre ouvriers et bourgeois. Et puis très vite, ça va se fissurer. Pourquoi? Parce que dans une espèce de climat romantique, révolutionnaire, oui. Les bourgeois qui sont au pouvoir, parce que la République a été établie en février 1848, c'est une République bourgeoise. Eh bien, les bourgeois ont accordé des droits formidables aux ouvriers. Voilà. Ce sont les fameux chantiers nationaux. On promet du travail à tout le monde. Et puis, c'est pas tenable. Hein. Donc, quand les ouvriers vont comprendre qu'on les a bernés en juin 48, ils vont tout naturellement se révolter et ne plus supporter justement d'être humiliés. Et c'est là que la répression va être terrible, vraiment terrible. Les oubliés, on en garde quand même le souvenir de Gavroche. Oui, non, Gavroche, c'est 1830. C'est 1830, c'est vrai que c'est avant. Oui. C'est avant. Non, 1848, ça. Mais oui. Ça, c'est. Je savais que. Vous voyez qu'elle est moins connue que les autres, la preuve. Bon, je coupe la parole, cher Patrick, parce que c'est fini. Et vous, qui êtes un homme de radio, vous savez que quand c'est fini la radio, c'est fini. Voilà. Fini. Merci, en tout cas, merci infiniment d'être venu nous voir. C'était bien cool, comme disent les jeunes. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Van Meegeren, le faussaire Vermeer. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter. Pour toute information complémentaire à notre émission, livre, référence. Merci à Céline Guéribi qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillard et Adrien Cara. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Lecture, Philippe Pierrard, Damien Prévost, Florian Versteroff et Aurélien Labruyère. Réalisation, Hélène Bizio et Jérôme Chélius.